les casseurs ont ouvert le feu cette nuit à Clichy-sous-Bois. Toujours, au début, il y a ces voitures incendiées, barricades de flammes qui attirent les escouades de CRS dans le piège des échauffourées. Le face-à-face, circonscrit à une avenue du centre-ville, a duré moins de 2 heures. 200 à 300 jeunes masqués bombardent de projectiles des CRS qui ont visiblement reçu des consignes de retenue. Comment 6 heures? Bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le mardi 3 novembre 2015. 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois et à quelques jours des élections régionales, le sociologue Karim Amou est avec nous cette semaine pour nous parler de la Seine-Saint-Denis à partir des témoignages des rappeurs de ce département qui est tout à la fois le creuset des cultures urbaines et l'endroit emblématique des défis sociopolitiques à relever. Après le premier épisode hier, les enfants perdus de la République, aujourd'hui on va parler des inégalités et de la débrouille. En deuxième partie, une autre jeunesse française, celle des provinces, celle d'Olivier Py qui viendra nous parler de son adolescence tourmentée, le cahier noir qu'édite Actes Sud et le journal de ses 17 ans. C'est de la bombe, bébé. Du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clandos. Saint-Denis, ville sans égal, Saint-Denis, ma capitale, Saint-Denis, ville peu banale. Ou à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute. Halal ! J'espère qu'on t'a convaincu. Et si tu nous traites de parisienne, je t'enfonce mon archet dans... C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle, partout et de retour au Hartou. C'est parti, ça vient de Saint-Denis, direct, issu de la génération funky taquini. Pas de soucis, non pas de chipi ici, pas de chichi si tu dérapes on te chie dessus. Trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont étiquetés, peura mais c'est comme ça qu'on nique tout. Le bénef, le business, mais c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent. Et ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop, et tout cela je les stop à base de pop pop pop pop. Saint-Saint-Denis, tout donc on gile les pimbales à base de pop pop pop pop. Et pour le hip-hop je développe la Seine-Saint-Denis, c'est la bombe bébé. Saint-Saint-Denis style, Saint-Saint-Denis point de vue rappé par le sociologue Karim Amou. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au CNRS, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une histoire de rap en France aux éditions La Découverte et aujourd'hui on va parler des inégalités et de la débrouille. Mais juste un point, là ce qu'on écoute, cette musique qui va nous accompagner toute cette semaine, durant cette semaine et cette série consacrée à Clichy, c'est L.E.G., trois jeunes filles de Saint-Denis qui reprennent un tube, on peut appeler ça comme ça, de NTM. Tout à fait, L.E.G. donc, on peut même parler de classique, classique du rap, classique de la chanson, classique de la scène Saint-Denis, le morceau Saint-Saint-Denis Style sur l'album éponyme du groupe Suprême NTM de 1998. Alors, qui sont ces trois jeunes filles? Eh ben, c'est trois habitantes de Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis, qui se sont fait connaître par les réseaux sociaux et par des vidéos sur YouTube, notamment cette reprise de NTM. Elles s'inscrivent dans une tradition croissante de reprises et parfois de détournements de chansons de rap français par des artistes et notamment des chanteuses. Je pense aux Brigitte qui avait repris Ma Benz de NTM aussi et qui montre bien l'importance dans la culture contemporaine du rap en général, du hip-hop en général et du rap français en particulier. Alors c'est un morceau qui est moins revendicatif que Étendard. C'est un morceau qui proclame l'importance de Saint-Denis en particulier et de la Seine-Saint-Denis en général dans un style assez fréquent dans le rap. Toutes les chansons de rap ne sont pas revendicatives, toutes ne portent pas l'accent sur les inégalités sociales ou les injustices. Ce morceau de NTM, par exemple, est un morceau qu'on pourrait appeler freestyle ou ego trip, c'est-à-dire d'abord là pour montrer l'art verbal des artistes qui se produisent derrière le micro. Voilà, c'était bien de signaler que le rap, ce n'est pas seulement la colère, la revendication, et pourtant aujourd'hui on va parler des inégalités et de la débrouille, et ça, ce sont aussi deux thèmes portés par quelques rappeurs. Oui, alors sur les inégalités, moi j'avais à cœur de partager un morceau d'une rappeuse qui s'appelle Lauréa, qui est une rappeuse qui rappe depuis la fin des années 90, qui a sorti un album, un premier album d'ailleurs, il y a maintenant 2 ans de ça, qui s'intitule « Joue avec les lettres ». Et je trouvais très intéressant, c'est une rappeuse qui a donc de nombreuses expériences professionnelles, dans le monde artistique et hors du monde artistique. Et donc c'est ce rapport au travail, qui est un rapport adulte au travail finalement, qu'elle partage dans ce morceau, Système Travail, et ça m'intéressait d'autant plus qu'on a souvent tendance à réduire le rap à une expression de la jeunesse, et masculine, et évidemment le temps avançant, les jeunes sont de moins en moins jeunes et développent de nouvelles thématiques aussi dans leurs chansons, au premier rang desquelles le travail. Chiffre d'affaires était comme le taf est ennuyeux, j'attends mieux de ma vie patiente à condenser à l'école. Pourtant la vie elle s'école, je le conçois, mais constate que la liberté dans tout ça reste un cas d'école. Devoir gagner du fric à tout prix, Dieu me comme un con vieux avant de te rendre compte que l'entreprise t'a à tout prix. Ta jeunesse et ton temps, 3 pieds 7 à 65 ans pour ta retraite, il faut que ta caisse que tu sois content. Lettre de motivation, CV, entretien, je voudrais choisir mon boss moi-même, lui dire ok, entretien. Des milliards exploités par quelques crétins, préfère recruter un sous qualifié qu'un humain d'un autre teint. Assez, je veux me casser, ma vie est menacée, mais mon rêve en acier, faire ce que je veux de mes journées sans jamais me lasser. 24 sur 7 sans être harassé, en clave, une société esclave, la foi et la paille, il faut t'amasser. Un message très clair, un retour à cette question de l'exploitation et du rapport des conflits au travail, dont on a peut-être un peu rapidement, depuis 30 ans, répété que c'était plus le premier problème des quartiers populaires. Et c'est aussi pour ça que cette chanson m'intéresse, c'est qu'elle remet la question de l'exploitation salariale au cœur du sujet, la question de l'épanouissement au travail, la question de prendre plaisir à ce qu'on fait, la question de pour qui on travaille et pour quelle somme d'argent. Et donc évidemment, c'est d'une actualité brûlante en ce moment avec le conflit Air France, mais c'est une question qui est aussi brûlante et vraiment d'actualité dans tous les quartiers populaires de France, et en particulier dans un département comme la Seine-Saint-Denis, dans lequel on a des inégalités sociales marquées et des classes populaires qui représentent près de 65% de la population. On est sur le département le plus pauvre d'Île-de-France, et en particulier on est sur des contrastes très accusés avec d'autres départements tels que les Hauts-de-Seine ou la ville de Paris. On est aussi, et je pense que cette dimension des inégalités locales dans l'espace de l'Île-de-France est très marquant dans l'expérience des habitants des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire habiter en Seine-Saint-Denis, c'est côtoyer le luxe de la capitale, c'est côtoyer des inégalités spatiale et territoriale plus accusée que nulle part ailleurs, et c'est aussi voir concentrer des classes populaires dans un département, 65% d'ouvriers et d'employés dans la population de la ville de Saint-Denis contre 21% d'ouvriers et d'employés dans la ville de Neuilly-sur-Seine, pour prendre un exemple issu des Hauts-de-Seine. Ensuite, il y a un point important à toujours rappeler, c'est que les banlieues, cette catégorie homogénéisante, camoufle en fait des disparités territoriales très accusées, pas seulement entre départements, par exemple entre les Hauts-de-Seine qui ont aussi leur zone urbaine sensible et la Seine-Saint-Denis, mais au sein de la Seine-Saint-Denis elle-même. Donc le département de la Seine-Saint-Denis a un chômage beaucoup plus marqué, moyen, un chômage beaucoup plus marqué que l'ensemble de la France, puisqu'on est à plus de 16,5% de chômage en Seine-Saint-Denis. Mais dans les zones urbaines sensibles de la Seine-Saint-Denis, on a des taux de chômage qui peuvent monter à 25, 30 ou 35% et à des pourcentages encore plus élevés si on se concentre sur la population jeune de ces zones urbaines sensibles. Et pourquoi ? Parce que les jeunes quittent le système scolaire avant les autres, en moyenne, ou il y a autre chose ? Comment vous expliquez ça, Karim Amou ? Alors, c'est lié aux conditions d'emploi que connaît l'ensemble du pays. C'est lié effectivement à la présence plus marquée dans ce département que dans le reste de l'Île-de-France des classes populaires, des ouvriers et des employés. Et comme le rappelle la chanson de Lauréat, dans une certaine mesure, c'est aussi lié à des discriminations salariales dont on a peut-être peu parlé pendant longtemps, mais qui s'affirment comme un facteur de plus en plus significatif dans l'accès au travail de tout un ensemble de personnes. Quand vous dites discrimination... Discrimination raciste, à l'embauche. C'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle est noire, pour aller droit au but. Alors, pour aller droit au but, c'est les deux, et c'est indissociable. En l'occurrence, dans le cas de Lauréat, les discriminations salariales sont des discriminations, effectivement, là, je pensais en premier lieu aux discriminations racistes, parce que c'est ce qu'elle thématise explicitement dans les paroles de la chanson, mais on sait aussi que les discriminations sexistes sont prégnantes et généralisées à tous les échelons des métiers des mondes du travail, et que les femmes sont payées nettement moins que leurs collègues masculins à poste égal. La nouveauté depuis une bonne dizaine d'années, c'est plutôt l'affirmation d'un point de vue sur les mondes du travail. C'est-à-dire, là, on a cette chanson de Lauréat, on peut penser aussi au morceau Pas de bol de JP Manova qui est sorti il n'y a pas très longtemps. En fait, on a plutôt une diversification des rapports au travail ou à l'exclusion du marché de l'emploi qui se déploie dans les paroles de rap. Ce qui peut donner cette impression d'omniprésence du business et de la débrouille, c'est peut-être la popularisation d'un rap qui thématise la vie de rue et en fait quelque chose d'emblématique, à la fois dans une interaction à un vécu des classes populaires des fractions paupérisées des classes populaires, mais aussi en interaction avec tout un imaginaire du rap américain. On peut penser à des rappeurs comme Booba ou Kaaris, qui sont ceux qui ont rencontré un succès important depuis quelques années. Et effectivement, ces rappeurs-là vont développer des thématiques autour du trafic de drogue, autour du trafic d'armes, mais dans une veine qui est souvent assez cinématographique et assez outrée, même si elle s'ancre dans les clips, elle peut s'ancrer dans un imaginaire de la banlieue. Et pourtant, les pourfendeurs du rap reprochent à ces rappeurs de donner le mauvais exemple, de mettre le bandit comme un héros. Oui, tout à fait. Et en même temps, cette figure du bandit qui devient héros, c'est une constante des cultures populaires depuis des dizaines et des dizaines d'années, et bien avant le rap. Et en fait, il suffit de se tourner vers le monde de la bande dessinée ou vers le monde du cinéma pour se rendre compte que la fascination pour le mauvais garçon et pour les mondes de la drogue en général, de la violence, c'est quelque chose qui est une source d'inspiration constante des œuvres de création des industries culturelles et des produits culturels populaires. Alors, puisque vous avez eu l'idée judicieuse de choisir une rappeuse dans cette sélection de textes de rap pour cette semaine consacrée à la Seine-Saint-Denis, quelle est la place aujourd'hui des filles dans le mouvement hip-hop, puisque l'idée reçue numéro 2, c'est qu'on est dans un milieu machiste. Alors, on est dans un milieu machiste, oui, on est dans un milieu machiste, d'abord parce que c'est un milieu de l'industrie musicale et que le machisme est avéré dans l'ensemble des courants musicaux. Ce machisme, il va se manifester de bien des façons différentes, mais sans aller dans des exemples précis de machisme, on peut juste parler de la division sexuelle du travail. Relever que il y a moins de 15% des labels discographiques en France, tous genres confondus, qui sont détenus, présidés ou dirigés par des femmes. Donc on est bien sur une industrie qui, dans son ensemble, est sexiste. Et c'est pas une spécificité du hip-hop, si c'est ça la question. Donc la place des femmes dans le hip-hop, alors... Le hip-hop est vaste, encore une fois, il y a plusieurs disciplines, il y a la danse, il y a différents courants musicaux comme le R&B, comme le rap. Les femmes sont très présentes dans la danse hip-hop, sont très présentes dans le R&B. Elles composent au moins la moitié des chanteuses, des interprètes de R&B. Là, on retrouve une division sexuelle du travail entre musiciennes et vocalistes et instrumentistes que l'on retrouve dans toutes les musiques populaires. C'est-à-dire que dans l'ensemble des musiques populaires, comme Yacine Travet et Philippe Coulangeon l'ont montré, on a seulement les métiers d'interprétation vocale qui sont très féminisés, de l'ordre de 60% de femmes dans ces métiers-là, alors que du côté des instrumentistes, guitaristes, batteurs, sax, etc., on est plutôt sur des pourcentages qui peuvent chuter à moins de 15%, moins de 10%. Et c'est là finalement que le rap trouve sa place assez atypique, c'est que le rap finalement c'est une technique d'interprétation vocale, et pourtant c'est une pratique qui est faite à près plus de 90% par des hommes, selon les quelques rares chiffres que l'on peut trouver sur le sujet. Saint-Denis, point de vue rappé par le sociologue Karim Amou. Merci, on se retrouve demain pour le troisième épisode. On parlera des inégalités résidentielles et de la ghettoisation des quartiers populaires. À demain. Warriors. C'est de la bombe, bébé. Les retours sur investissement à France Télécom est de 16,8%. Il faut un bénéfice net de 3,4 milliards. Et il y a à peu près 20 suicides par an. C'est la crise universelle. C'est le bordel. C'est la crise universelle. On se fout de ton chiffre d'affaires et tes coms. Le taf est ennuyeux, j'attends mieux de ma vie patiente à condenser à l'école. Pourtant la vie a ses codes, je le conçois mais constate que la liberté dans tout ça reste un cas d'école. Devoir gagner du fric à tout prix, Dieu me comme un con vieux avant de te rendre compte que l'entreprise t'a à tout prix. Ta jeunesse et ton temps, 3 pieds 7 à 65 ans pour ta retraite, il faut que ta caisse que tu sois content. Lettre de motivation, CV, entretien, je voudrais choisir mon boss, moi-même lui dire ok entretien. Des milliards exploités par quelques crétins, préfère recruter un sous qualifié qu'un humain d'un autre teint. Assez, je veux me casser, ma vie est menacée, mais mon rêve en acier, parce que je veux de mes journées sans jamais me lasser. 24 sur 7 sans être harassé, en clave, société esclave, la foi et la maille, il faut t'amasser. France Culture, un autre jour est possible, par Toufik Hakem. L'invité culturel. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour les prix littéraires, le Goncourt, le Renaudot, tout à l'heure, en direct dans l'émission de Caroline Brouet, la grande dame. Mais nous, on continue notre sélection des premiers romans de la rentrée. Et aujourd'hui, je dois vous avouer que je triche un peu, puisque notre invité est Olivier Py. Depuis le temps, il lui est arrivé bien sûr d'écrire et de publier des livres entre deux créations au théâtre. Mais là, l'actualité, il s'agit du Cahier Noir, un roman journal écrit l'année de ses 17 ans. C'est un manuscrit de jeunesse qu'Actes Sud publie, avec des textes, des dessins aussi surprenants les uns que les autres. D'ailleurs, le livre reproduit le cahier, l'écriture raturée et les dessins à chaque page. Bonjour Olivier Py. Bonjour. Quelle est l'histoire de ce Cahier Noir ? Eh bien, je l'avais depuis quelques années, mais je ne m'étais jamais vraiment convaincu de le relire. Je l'avais dans mes archives. C'est un texte que j'ai écrit quand j'avais 17 ans, l'année de mes 17 ans. C'est à la fois un journal et une fiction. Et il était très difficile à déchiffrer parce que c'est très très mal écrit à la main, dans un cahier avec des gros carreaux. Et c'était votre véritable écriture ? C'est mon écriture, ce n'est pas exactement mon premier roman parce que j'étais un peu graphomane quand j'étais adolescent, donc j'écrivais des pièces de théâtre, des romans. Mais en tout cas, celui-là, en le relisant, je me suis dit, tiens, c'est l'origine de tout ce que j'ai voulu faire ensuite. Peut-être même que c'est l'aboutissement antérieur de ce que je veux faire. Et je l'ai proposé à mon éditeur, qui, après l'avoir décrypté, qui m'a dit, mais publions aussi les dessins et des facsimilés de l'objet, de la graphomanie, parce qu'il y a une certaine beauté, ça ressemble peut-être un peu à de l'art brut, et au niveau littéraire aussi, c'est peut-être un peu de l'art brut. Alors on peut lire ce livre en oubliant l'auteur, et effectivement, du coup, on découvre comme si c'était un vrai premier roman torturé d'un jeune provincial qui découvre sa sexualité. Est-ce que ça vous va comme définition ? Oui, c'est l'anecdote. Il découvre sa sexualité, mais ce n'est pas une victime. C'est un homo de province des années 80. Ce n'est pas exactement facile à assumer à cette époque-là, mais je crois que ce n'est pas tellement le sujet. Il l'assume assez bien. Oui, il n'est pas victime. Et c'est même plutôt ses amis qui sont victimes de son délire, de son hystérie, de son rêve d'absolu. C'est surtout qu'il veut quelque chose qui n'est pas présent dans cette ville de province. Est-ce que c'est présent quelque part ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il le rêve dans et par la littérature. Donc c'est plutôt un roman sur la littérature. Quel genre de lecture aviez-vous à 17 ans ? Parce qu'on voit bien que voilà, vous participez au débat. Vous savez déjà que la littérature, c'est une forme d'exil. Est-ce que ça répondait à vos lectures de l'époque, de vos 17 ans dans les années 80, Olivier Py ? Oui, j'ai des lectures de tout bon adolescent, à savoir Rimbaud et Nietzsche, à mon avis, c'est ça qui est formateur. Mais j'ai des lectures un peu plus clandestines. Je cite Maurice Sève, José Maria de Heredia. Alors il y a des choses comme ça un peu plus étranges, souvent de la poésie, bien sûr. C'est la poésie. Le rêve de l'adolescent, c'est de faire de la poésie autre chose que de la littérature, de faire de la poésie autre chose que des mots, de faire de la poésie un acte, un destin. De faire de la poésie un destin. Mais j'ai publié ce livre parce que je crois qu'il a raison. Je crois que c'est moi qui ai oublié ce rêve-là. C'est moi qui ai oublié ce combat spirituel. Je crois qu'en vieillissant, on l'oublie. Je crois que les adolescents ont raison. Est-ce que vous êtes fidèle à vos 17 ans ? Oui, je crois. Je suis fidèle à mes 17 ans. Je crois qu'il y a un rêve d'absolu, il y a un mysticisme qui sont très présents là, dans ces 17 ans. Un refus de l'existence bourgeoise, une volonté de mener des grands combats qui est restée présente dans ma vie. Un romantisme attardé, comme je le dis dans la préface, et dont j'ai pas pu me défaire. Je crois que je suis resté ado, mais j'ai envie de dire hélas. Hélas, par certains côtés, je suis toujours proche de cet adolescent un peu perdu, prêt à tout, plein de scarification et de masochisme pour accéder à de la transcendance. Et aujourd'hui, en fait, le 40e anniversaire de la disparition, de l'assassinat de Pasolini. J'ai beaucoup pensé à lui en lisant votre cahier noir, Olivier Py. Est-ce que vous l'avez lu ? Pasolini, oui, beaucoup. Pas à cet âge-là du tout, évidemment. Ni même les films. Je ne pense pas avoir vu des films de Pasolini quand j'avais 17 ou 18 ans. Pourtant, j'étais très cinéphile. Mais oui, bien sûr, il est une des incarnations dans le XXe siècle du poète. Bonjour Auriane Joncourt. Bonjour Tophie. Du magazine Transfuge, notre partenaire, et une fois par mois, on partage nos coups de cœur. Et puisque cette semaine, c'est tout à la fois la semaine des prix et qu'on a décidé de faire plutôt une sélection de premiers romans, quels sont les premiers romans qui ont retenu votre attention en cette rentrée littéraire ? Écoutez, déjà, je vous écoutais avec grand plaisir tous les deux parce que j'ai beaucoup aimé ce premier roman assez inattendu d'Olivier Py et en même temps tout y est. Ça y est, c'est passé. On dit premier roman d'Olivier Py, ouais. Ah oui, absolument. Ouais. On dit le premier. Oui, mais c'est drôle parce que c'est pour avoir lu ces derniers romans et surtout le dernier que j'ai beaucoup aimé. Eh bien là, tout y est comme toujours. C'est-à-dire que le premier roman, tout y est, mais en effet avec cette verve grandiloquente et en même temps ironique qui est si évidente à 17 ans et qui passe si bien avec la sincérité de ses 17 ans. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les premiers romans qui sont écrits très tôt comme ça. Parce que tout est dans la promesse. Alors, j'ai deux premiers romans que j'ai beaucoup aimés. L'un qui est signé Luc Boltanski, La Cache, aux éditions Stock, qui est alors un grand récit familial extraordinairement maîtrisé. Et là aussi, on connaît l'auteur. On n'a pas attendu son premier roman. Oui. Enfin, on le connaît. On le connaissait pas forcément en tant que romancier, en tout cas. Et c'est vrai que ce qui est assez inouï, c'est que lui prend ce lieu de la famille Boltanski, qu'il va appeler La Cache, mais qui est au départ un appartement parisien. Et il va de ce lieu faire naître le récit. Et c'est vraiment cette... Il maîtrise la géographie et chaque meuble, chaque recoin va faire naître un récit et va finalement composer cette grande mosaïque des Boltanski. Et j'ai été très, très impressionnée par ce livre-là. Et le deuxième, c'est une Allemande, Theresia Mora. Elle est assez connue en Allemagne, elle est totalement inconnue en France. C'est la première fois qu'elle est publiée. Son roman s'appelle De rage et de douleur, le monstre, aux éditions Piranha. C'est un roman qui est extraordinairement moderne dans sa construction, dans sa mise en œuvre, puisqu'il y a deux récits, l'un en haut de la page et l'autre en bas, qui se répondent, deux personnages. Et c'est en fait un espèce de dialogue de l'au-delà, puisqu'il y en a une qui est morte et l'autre qui est vivant. Lui était amoureux d'elle, elle était amoureuse de lui, elle s'est suicidée. Et il va finalement cheminer auprès de cette âme fantôme dans toute l'Europe centrale pour essayer de la comprendre. C'est magnifique. En tout cas, vous nous donnez envie de les lire, ces deux romans, pas vous, Olivier Py? Absolument. Et puis, on rappelle que c'est Adonis qui fait la couverture. Absolument, c'est Adonis qui... De Transfuge, ce mois-ci, pour parler de la série, pour parler du monde arabe et pour parler du monde d'aujourd'hui. Pour parler du monde d'aujourd'hui, immense poète, Adonis. Moi, j'aime beaucoup son travail poétique, le livre Al-Kitab qu'il fait et qu'il continue à publier aujourd'hui et qu'il publie depuis 2017. Cette espèce de réécriture, quel projet, réécriture de l'histoire du monde arabe à travers la poésie et aussi à travers ces grandes figures poétiques oubliées. Et puis, il signe à côté de ça un essai qui, à mon avis, violence et politique, qui, à mon avis, va beaucoup faire parler de lui, puisqu'il dit avec une certaine audace ce qu'il pense du monde arabe aujourd'hui et des pistes pour l'avenir. Merci, Auriane Joncourt. Demain, on retrouve notre tête chercheuse, le sociologue Karim Amou, qui continue à nous raconter l'histoire de la Seine-Saint-Denis à travers les textes de rap. La Seine-Saint-Denis, c'est un endroit que vous connaissez très bien, Olivier Py. Bah oui, je vais souvent. Oui, je vais au théâtre Au théâtre Gérard Philippe, assez souvent, oui. Ouais. Et pour le rap de la Seine-Saint-Denis? Ah, le rap, je n'ai absolument aucune compétence, je dois l'avouer. Mais pourquoi vous êtes passé à côté? Parce que... Bah, c'est dommage, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a l'amour des mots. Mais bien sûr, il y a l'amour des mots. Et puis, il y a surtout la parole poétique remise devant la musique, bien sûr. J'aimais très peu. Et politique. J'ai très peu de compétences, je l'avoue. La dernière séquence de l'émission pour avoir votre humeur du jour en ce mardi 3 novembre, Olivier Py. Trois questions choisies au hasard dans la corbeille. Une question récurrente pour nos invités matinaux. Première question. Ça m'angoisse, ce truc. Mais non, il ne faut pas être angoissé. Aimeriez-vous changer de ville? Je vis à Avignon et je n'aimerais absolument pas changer de ville. C'est une ville que je trouve sublimissime. On verra ça après les quelques élections. Est-ce que vous chantez? Ah bah oui. Qu'est-ce que vous chantez? J'ai eu le bonheur de faire deux disques avec un personnage qui s'appelle Miss Knife et j'espère un jour Mais dans la vie de tous les jours, vous chantez souvent? Bah, quand on chante sur scène, on chante aussi dans la vie de tous les jours. Oui. Qu'est-ce que vous avez chanté là dernièrement, sous la douche, chez vous, avec des amis par exemple? J'ai chanté des chansons de Stevie Wonder. C'est bien. Bah oui, c'est bien. Ça donne quoi? C'est même un pur génie. Hein, ça donne quoi? Stevie Wonder par Olivier Py. Love is fair. Love's a crazy game. Two people vow to stay. Ouais, je vous épargne. C'est quoi pour vous une bonne odeur du matin? C'est l'odeur du café, je suis désolé d'être banal, mais j'en ai besoin, c'est mon carburant. Bon, vous allez me faire la désannonce de l'émission. Si vous le voulez, très bien. Avec plaisir. C'était un autre jour est possible, votre réveil culturel, tous les jours de la semaine, de 6h à 6h30, et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne, le podcast sur franceculture.fr. J'étais bien. Très bien, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible. Une émission de Toufik Hakem, préparée avec la Bologne. Je la refais. Un autre jour est possible. Une émission de Toufik Hakem, préparée avec le... J'ai un problème lacanien sur la collaboration. Je n'y arrive pas. Je vais le refaire. Un autre jour est possible. Une émission de Toufik Hakem, préparée avec la collaboration de Pascaline Bonnet. Prise de son, Éric Boisset. Réalisation, Thomas Duterre. Merci Olivier Py. Demain, pour notre sélection des premiers romans de la rentrée, je recevrai en deuxième partie Olivier Demangel qui publie aux éditions La Fanfare un texte très étonnant qui a pour titre 111. Bonne matinée.